J'ai tergiversé, j'ai hésité, j'ai attendu. Non, j'ai pris tout de suite une décision qui n'était pas facile pour mes amis. Vous évoquiez la gauche. J'ai dit, il faut alléger le coût du travail des entreprises. Qu'elles aient la certitude que le coût du travail va baisser. Coût du travail. Vous savez, nous avons le coût du travail le plus cher en Europe. Le 4e pays le plus cher d'Europe pour le coût du travail. Je crois au dialogue social. Le dialogue social. La modernisation du dialogue social. C'est le fameux dialogue social. Jusqu'en 2002, on appelait ça un plan social. Maintenant, il faut dire plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi constitue un élément clé du droit du licenciement collectif pour motif économique. En effet, il existe un cadre précis, celui du plan de sauvegarde de l'emploi. Ou PSE. Mais c'est quoi ce plan ? C'est quelque chose de positif ou de négatif ? C'est quoi ce plan ? C'est quelque chose de positif ou de négatif ? Dans le camp d'en face, il y a des gens qui prennent le temps, qui ont le temps, et qui le prennent, et voire qui rémunèrent des gens pour réfléchir pour eux, pour adoucir les mots, pour les arrondir, pour les installer dans notre quotidien. Alors, évidemment, ils n'ont pas pondu un grand dictionnaire d'un seul bloc en une seule fois. C'est une réflexion à ciel ouvert qui s'alimente de la réalité politique. Mais, par exemple, on ne va plus parler de classe sociale, on va parler de milieux sociaux, on ne va plus parler de lutte de classe, on va parler de dialogue social, bien entendu. On ne va pas parler de pauvreté ou d'exploitation, on va parler d'exclusion. Donc, on arrondit les angles un peu gênants d'une société qui est beaucoup trop inégalitaire et c'est criant. Et puis finalement, c'est qu'en fait, il y a une part de notre propre résignation là-dedans. Parce qu'au final, et moi le premier d'ailleurs, hein, puisqu'il ne s'agit pas de définir la bonne façon de parler à la place, parce que ce serait une façon de substituer une forme de totalitarisme à une autre forme de totalitarisme, c'est que moi-même, comme tout le monde, je reprends ces termes-là. Bien sûr, bien sûr. On reprend parce qu'on l'entend. Et l'analogie avec Klemperer, c'est ça. C'est son idée au-delà des... évidemment des différences de période et de contexte et d'ennemis auxquels on est confronté. Il disait qu'en gros, ce qui pèse le plus, c'est les défaites du quotidien. C'est ces fameuses 1000 piqûres de moustiques qui valent beaucoup plus que le grand coup de massue sur la tête. Dispersées dans les pages de mon journal, se trouvent de nombreuses notes sur la langue que parlaient les nazis, à laquelle, à la fois par jeu et par peur de la Gestapo, j'ai donné un joli nom savant, LTI. Lingua tertii imperii, la langue du Troisième Empire, du Troisième Reich. Cette nouvelle langue, adoptée par tout le monde de façon mécanique et inconsciente, comme un poison qu'on avale à petite dose sans y prendre garde, fut pendant ces années de misère mon unique sujet d'étude. Et il y a une forme de notre propre résignation sur laquelle il s'agit peut-être de réfléchir, parce que c'est un domaine de la lutte, un domaine du combat idéologique, pour essayer au moins de réfléchir sur la portée des mots, sur la portée des termes. Alors, il y a évidemment toutes les formes d'oxymores qui tournent à la méthode Coué, comme le capitalisme vert, comme le développement durable du capitalisme, ce qui est fondamentalement contradictoire. Il y a eu la guerre humanitaire. Il y a eu la guerre humanitaire. En 1999, le Kosovo, c'était une guerre humanitaire. Absolument. C'était partout. On était d'accord pour faire une guerre humanitaire. Donc, il y a ça, il y a le charbon propre, le diesel propre. Je ne suis pas le premier à me pencher sur ce sujet-là. Il y en a qui réfléchissent à ça, qui cogitent à ça. Il y en a dans Acrimed. Il y a des syndicalistes qui réfléchissent à ça. D'ailleurs, en écrivant, j'avais discuté avec un collègue de la CGT, de mon bureau, qui m'a suggéré quelques termes, comme par exemple le mot « contrainte familiale » dans un entretien d'embauche. Quelles sont vos contraintes familiales ? C'est violent comme terme, contrainte familiale. Contrainte, oui, ça veut dire que... C'est une contrainte. Le fait femme, de vivre, c'est une contrainte. Voilà, d'avoir des enfants, c'est-à-dire la vie que tu as choisie, en dehors du temps de l'exploitation, c'est une contrainte. Et toi-même, tu reprends et tu reformules comme ça. Ma vie personnelle est une contrainte pour l'employeur. Et je l'assume en tant que telle. Et l'idéologie dominante passe par là. Enfin, Orwell l'avait vu avec 1984, la création d'une nouvelle langue. C'est... comment ça se fabrique? Tu dis il y a des gens qui réfléchissent et qui fabriquent. Ça fait un peu complot, ton truc. Ouais, alors c'est pas le complot, justement. C'est tellement plus évident que ça qu'en fait... C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de chercher derrière les murs qui traficote quoi. C'est une réflexion qui se fait à ciel ouvert, parce que dans le rapport de force entre les classes et dans le rapport de force politique, la classe dominante est en capacité de pouvoir dire bah oui, on va réfléchir à la terminologie, aux termes, au poids des mots. Aujourd'hui, on fait un point vocabulaire. Quand on est dirigeant, on doit être précis dans ce qu'on dit. Il y a des mots qui sont interdits, il y a des tics de vocabulaire, puis il y a des mots qui sont vraiment issus des manuels de management. Alors par exemple, en 2016, on ne dit pas « mes salariés », mais on dit « mes collaborateurs ». Ça, c'est la base. On ne dit pas « je vais vous donner des trucs impossibles à faire et vous allez vous battre pour un résultat totalement inconnu ». Dans les années 90, on aurait dit un défi. Aujourd'hui, on dit un challenge. Ça passe mieux. Pour motiver ses troupes pour ce fameux challenge, on n'hésite pas à utiliser un vocabulaire guerrier. On parle de conquête des marchés, de guerre des prix. On se met en ordre de bataille pour imposer son leadership et écraser la concurrence. Il ne faut pas non plus oublier la fameuse culture d'entreprise. On a une culture d'entreprise, l'ADN de notre boîte. Quand ça va mal, on utilise le vocabulaire médical. On ne dit pas c'est la crise, on est foutu, mais les marchés sont déprimés, anesthésiés, anémiés. Quand ça va très très mal, on va pas faire un plan social, mais un plan de sauvegarde de l'emploi. Et alors, on ne parle pas non plus de cession d'activité, mais de recentrage sur le cœur de métier ou de retour aux fondamentaux. Ça passe beaucoup mieux. Quand l'organisme patronal qui fait la loi dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, décide de se rebaptiser CNPF en MEDEF, il y a un tour de passe-passe sémantique qui n'est pas anecdotique, sur lesquels j'imagine des publicitaires ont réfléchi. Ah oui, oui. C'est-à-dire on passe du mot patronat au mot entrepreneur. Voilà. Et c'est énorme, parce que patronat, malgré, je dirais probablement contre leur propre regret, mais c'est chargé de sens. Il y a le poids de l'histoire. Ah oui. Ça sent l'exploitation, c'est pas oui. très bon. Et puis le patronat, ça évoque aussi des pages sombres de l'histoire. Oui. Donc faut passer à autre chose, quelque chose de plus dynamique. Et on nous dit le mot entreprise, le mot entrepreneur, qui est plus qu'un tour de passe-passe d'ailleurs, parce que qui est une vraie opération idéologique, dans le sens où, en plus d'adoucir les termes, d'extraire l'exploitation et de le renvoyer le plus loin possible, on fait un espèce d'écran de fumée. Hein. Je crois que c'est Bourdieu qui parlait de mot écran, mais je crois qu'on est vraiment là-dedans. L'entrepreneur, tu vas mettre à pied d'égalité l'artisan commerçant, ou celui qui a 2-3 salariés, à pied d'égalité, avec le riche le mec du dirigeant 40, d'une multinationale. Oui. Ils sont tous entrepreneurs. Oui, c'est voilà. extraordinaire. Oui, oui. J'ai géré, il y a une trentaine d'années, une boîte de 40 personnes. Je peux vous dire que c'était l'enfer. Et quand je vois les adhérents, qui sont en général des toutes petites entreprises, vous savez, essayez de créer une entreprise un jour. Moi, je demande à chaque fois, les gens qui ne nous croient pas, je leur dis, écoutez, monsieur le député, monsieur le ministre, madame la journaliste, créez votre entreprise. Essayez de créer un emploi ou deux emplois du secteur privé. Essayez, et vous allez voir, je suis sûr, dans 3 mois, vous serez adhérente du MEDEF. J'en suis sûr. Et voilà, le tour est joué, et ça joue. C'est-à-dire que le grand patronat, comme il aime la sous-traitance, il sous-traite aussi politiquement. Donc, c'est en général pour nous vanter les mérites de la nécessaire bataille pour la compétitivité ou de lutter contre le coût du travail. C'est rare qu'en live, on ait les gros poissons du CAC 40. On nous envoie, en général, des représentants de PME, de petites entreprises, qui se croient vraiment solidaires de ce grand monde entrepreneurial. Micro ouvert. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Là-bas si je suis. Vous savez, cette émission avec Daniel Hermès sur France Inter qui ne se fait plus mais qui est sur le net. Et il faut, pour avoir accès maintenant au contenu de ces vidéos, de ces sons, de ces images, eh bien, il faut payer. Ça reste raisonnable, 5 euros, ça reste raisonnable par mois, voilà, pour contribuer à un média libre. Donc la capsule sonore qu'on a entendue, c'est « Apprenez la langue de l'adversaire » avec Olivier Besancenot. Voilà, on est en plein dedans. C'est français, cette capsule sonore, mais c'est aussi bien en Belgique. Enfin, voilà, c'est un peu partout pareil, la même chose. Hein, on est d'accord. Et donc, on part à la Foire du Livre. Vous savez, cette fameuse Foire du Livre où cette année, c'est gratos. On peut rentrer comme ça. Du coup, le micro est parti se balader. Et dans un premier temps, eh bien, il arrive et il a soif, il a faim. Voilà, on fait la file, on est au salon du livre et on fait la file. N'ayez pas peur, hein, madame. Madame. Mais je me suis dit, vous dites ? Je suis perdue dans mes pensées. Ben oui, mais n'ayez pas peur, je suis un média alternatif et qu'est-ce que j'allais dire ? T'as entendu le cri ? Il y a eu quelque chose qui a explosé, il y a quelqu'un qui a crié. Ah, comme ça ! Génial. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, je ne tutoie pas cette dame, je suis accompagnée de quelqu'un, mais comme c'est de la radio, ça se voit pas, et c'est à lui que je parle quand je dis tu. Donc voilà, je fais passer un peu le temps dans la file de la foire du livre, mais pour se restaurer. Alors vous avez pris deux verres de vin. Deux verres de vin, oui, mais j'ai pris du poulet avant. Voilà, pour pas que la tête tourne, quoi. Voilà, exactement, il faut bien compenser parce que la journée va être longue. Ah oui ? Oui. J'adore lire et j'adore les livres, donc je suis là pour toute la journée. Voilà. Vous pouvez me dire, parce que c'est ça un petit peu mon sujet, on dit qu'on ne lit plus, etc. Est-ce que vous lisez, mais pourquoi ? À quoi ça sert ? Vous lisez encore ? C'est ringard, j'ai envie de dire. On m'a toujours dit, depuis que je suis toute petite, que lire, ça rend intelligent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bon, je continue toujours de lire et avec autant de plaisir. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on lit plus ou moins. J'ai entendu dire qu'on lisait différemment. Ah, c'est pas mal comme idée, ça. On lit différemment. Et c'est quoi l'idée, alors ? Les supports sont différents, les sujets sont différents aussi. Mais bon, je sais pas. Ma génération, c'était plus livre, quand même. Pas le numérique. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus ça, oui. Mais on serait peut-être aussi dans une société de l'image, aussi. Peut-être c'est ça aussi. Pour comparer, il y a les mots, l'écriture et puis les images, quoi, et qu'on serait peut-être alors plus dans une société d'images aussi. Oui, certainement plus visuel, oui. Je suis d'accord avec vous. Et quand vous dites que ça rend plus intelligent lire, vous pensez que du coup... je ne parlais pas pour moi, je voulais juste dire que quand on lit, on apprend plein de sujets différents, on s'ouvre au monde, et c'est ça qui rend intelligent, c'est pas forcément... aussi au niveau de l'orthographe, je trouve ça bien de continuer à lire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'orthographe, ça se perd un peu, je pense. Je parle un peu comme une vieille, mais je pense que c'est le cas. Oui, alors que vous n'êtes pas du tout vieille, je précise. Ben voilà, vous passez pour pratiquement payer vos deux verres de vin. À votre santé alors, hein. Merci. Hein. Et bonne journée. Oui, merci. Ensuite, le micro traîne autour du stand de Bar Kim Jong-un. Vous savez, il y a des gens là qui achètent les livres, qui papotent, qui viennent voir Bar, qui soutiennent Bar. C'est la solidarité aussi. Enfin, c'est chouette. Peut-vous déranger 5 minutes ? C'est pas la télévision, c'est anonyme si vous voulez. C'est pour un média alternatif. Et la question que je vous posais, mais j'ai prévenu un peu à l'avance. Je vous pose une petite question. Oui. C'est du média alternatif. Oui, une petite question à vous poser. Oui. Je n'ai pas mes appareils, je les ai oubliés. D'accord. Et la question, en fait, c'est pourquoi on est donc à la foire du livre. Vous lisez ? Vous faites semblant de lire ? C'est ringard de lire ? C'est un peu de la provoque, mais... Pas, absolument pas. Moi, je lis beaucoup. Et je suis très éclectique dans tout ce que je lis, en fait. Par exemple, je lis autant sur l'archéologie, sur l'histoire, que sur la politique, sur ce qui passe actuellement, et sur les romans, quoi. Bon, pour l'instant, je lis Sapiens, qui est un best-seller. Best-seller. De qui ? Ça, je ne me souviens pas. Moi non plus. C'est un Israélien, mais c'est tout. Mais c'est extraordinairement bien fait. J'ai lu... aussi l'homme nu, qui parle de tout ce qui est l'interaction avec tout ce qui est notre monde actuel, de tablettes et comment nous sommes dirigés, vérifiés par des algorithmes où on a vraiment plus... On a perdu toute sa liberté, en fait, et il est déjà presque trop tard que pour essayer de la récupérer. Donc, je suis assez ouverte à tout. Et ici, je suis là pour Bar. Et quoi ? Pourquoi ? Parce que vous le connaissez, Bar ? Alors, je le connais, en fait, déjà de par ce qui s'est passé avec lui il y a quelques années, au moment où il était... où on a demandé qu'il soit extradé, et où Madame Onkelings l'a envoyé vers la Hollande pour qu'il puisse être pris. Ensuite, il y a eu toute cette action maintenant pour Nourrier et Sémi. Et donc, je le suis. C'est-à-dire, Nourrier et Sémi, ces deux professeurs, instituteurs et professeurs qui avaient engagé une grève de la faim, ne fût-ce que pour récupérer leur travail, en fait. Pas du tout pour se plaindre contre la façon dont l'État et Erdogan est en train de tout fermer et d'emprisonner des gens ou de leur enlever leur boulot, on ne sait même pas pourquoi. Donc il y a eu toute cette action auquel j'ai participé et par la suite donc, je me suis intéressée un peu plus à lui et ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui est inconcevable. Quoi. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que les gens qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est toujours ça. Hein. En fait, actuellement, sa tête est mise à prix par Erdogan. Et moi, ce qui me hérisse d'autant plus, c'est qu'il n'y a pas un seul mouvement de notre ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien. Belge alors? Belge, oui. Ce monsieur, enfin je l'appelle même pas monsieur, il ne mérite pas ce nom de monsieur Renders. De la même façon qu'il a laissé tomber Ali Arras, qui est un belgo-marocain, qui est emprisonné depuis 10 ans, pour lequel il a été condamné par 2 fois à lui donner l'assistance consulaire, il ne l'a toujours pas, son assistante consulaire. Donc, rien comme changement. Non, absolument pas. Il est toujours en isolement total maintenant. Oui, donc voilà. Donc ce ministre, moi je me demande bien ce qu'il fait. On le paye à ne rien faire, à se remplir les poches. C'est ma façon de voir et de penser. Donc voilà, je suis là pour soutenir aussi Bahar et voir ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses autour. Mais donc, c'est des livres aussi, des livres engagés, des livres qui font bouger. Le livre engagé est intéressant, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas tout. Donc, on doit essayer d'aller au fond des choses que pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour moi, les livres, c'est tout. C'est l'engagement, c'est l'histoire. C'est la bande dessinée aussi, quand elle est... Hein. C'est chouette aussi, c'est quand même le pays de la bande dessinée, la Belgique. Et puis aussi, ce sont des livres qui peuvent nous distraire. Hein. On ne doit pas uniquement être plongé dans... Il y a assez de choses difficiles que l'on doit régler, donc on doit de temps en temps souffler et prendre plaisir à la lecture, autrement que de s'instruire et essayer de connaître mieux pour s'engager et aider ce qui peut l'être. Après, je vous en ai plus, mais... Une dernière question, mais comment c'est venu la lecture? Comment vous avez apprécié, comment vous avez goûté les livres? La lecture, c'est venu depuis l'enfance, évidemment. Il n'y avait pas la télévision. Moi, je suis une grand-mère. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Et notre façon de passer le temps, c'était les livres. Bon, j'ai une famille où évidemment, on m'a incité à lire. On m'en a donné. Et donc, pour moi, le livre, ça coule de source. Si je veux être bien, qui fait moche, et que je me dis, moi, je vais me mettre cocooning, je prends un livre, un peu de musique en fond, et je suis partie et je suis heureuse. Merci, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Vous traînez aussi près du stand de Bahar Kim Jong-un. Solidarité oblige. J'ai une question à commencer. La foire du livre, c'est vraiment les livres, la foire. C'est... Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Et je me demandais, tiens, c'est ringard de lire aujourd'hui avec toute la technologie qu'on parle, les smartphones, les tablettes. On dit qu'on ne lit plus. Vu l'âge que j'ai, je ne peux pas considérer ça comme ringard. Je suis né en 1936, l'année du Front populaire et des congés payés. Alors comprenez bien que je ne suis pas disposé à tenir ça pour un gage. Je suis un grand lecteur. J'ai plus de 5000 livres chez moi, y compris la science-fiction dont je suis amoureux. Et donc, non, sans les livres, je préfère disparaître. Et c'est bien, c'est énorme. Et donc les livres, ça raconte c'est plein sacré, de choses, quoi. Voilà, sacré. Voilà. Et ici, vous avez, je vois dans les mains, Tête de Turc. Erdal, Tête de Turc, au féminin. Ben ça, c'est grâce à notre ami là, que Bahar Kim Jong-un, c'est un grand ami. Il est l'ami de tous mes amis, il est l'ami de ma famille, il est l'ami de beaucoup de camarades. C'est un grand monsieur. C'est génial, merci. Monsieur, je peux vous poser une question? Non, il n'y a pas de caméra. C'est comme vous voulez. Ah non, c'est comme vous voulez, vous. Ouais. C'est vous, il ne faut pas être blasé, soyez actif. Si vous avez envie... Allez-y, posez-la. La question, bah, on est à la Foire du Livre. On est à la Foire du Livre. Oui. Pourquoi vous êtes là, en fait? Ah, je suis là pour me promener, pour vérifier, pour aller voir des BD, toutes sortes de trucs. Et surtout, pour bar. Hein. Ah oui, pourquoi bar? Mais parce que bar, en réalité... j'arrive pas à répondre moi aussi. Parce qu'en réalité, bar, m'a démontré par l'histoire et tout ce que j'ai eu comme conversation qu'on a eu plus ou moins un petit peu ensemble, même au bar de café, quand on avait on était au manif tout le temps pour que Nouri et Semi soient libérés. Préciser qui c'est, vite en deux mots. Je voudrais préciser que ce sont deux acteurs. C'est une qui est une professeure de littérature qui avait fait la traduction en langue turque de Kafka. Et de l'autre, c'est un enseignant du secondaire qui subissent les purges aujourd'hui en Turquie. Avec maintenant ce qui se passe à l'arrivée de ce qui se passe à Afrin. Et aujourd'hui, et ce près des frontières, ça commence à s'aggraver terriblement. Madame. Voilà pourquoi. Mais qu'est-ce qui s'aggrave terriblement? J'ai pas suivi. Vous savez, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu un silence complet, quasi complet, de la Belgique dans cette affaire à propos déjà des menaces de mort dues à son encontre. Et le fait... à l'encontre de Bar, quoi, parce que sinon on ne comprend pas. À l'encontre. Oui, il y a... Je suis d'accord. À l'encontre de Bar, et que le fait que la Belgique, et qu'on se retrouve devant une... comment dire? J'arrive pas à voir. Bon, on recommence ? Ouais. C'est sûr. Je suis désolé. Hein. Moi, bon, je recommence. J'ai pas l'habitude pour ça. Les livres, ça vous parle les livres, puisqu'on est à la Foire du Livre ? Ça peut, ouais, ça parle pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde ? Bah, pour moi aussi. Mais quoi, ça, vous lisez ? Vous aimez bien lire ? Ça dépend, ouais. C'est pour certaines spécificités, mais comme tout le monde, ouais. Enfin. Bah, tout le monde n'aime pas lire, hein. Pas toujours, ouais. Mais il y en a certains, mais il y en a quand même quelques-uns qui le font quand même. Et quoi, et vous aimez lire alors? Ouais, ça dépend. Mais vous pouvez dire non, hein. Vous lisez quoi par exemple? Ah, ouais, ça va être un peu tout. Si ce n'est Barre, évidemment. Ouais, bien évidemment. Bah, toutes sortes de livres de guerre dans cette affaire, l'histoire militaire, ainsi qu'un petit, parfois, les BD, hein, de temps en temps. Ouais. Que dire d'autre sur tout ça? Bah, pas, y a pas grand-chose à dire. J'ai dit pratiquement tout. Merci. J'ai pas l'habitude pour ça. Non, ben voilà. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Donc on va un peu se déplacer du stand de bar. Bonjour. Moi, franchement... Vous êtes déjà séparés, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas... On s'est séparés juste à l'instant, mais on va se remettre ensemble. Oui, c'est aussi en bar, parce qu'en fait, je vais rencontrer bar après, hein, je vais lui donner... Tu as déjà fait le reportage avec bar? Après. Et là, j'interviewe un peu les gens qui traînent autour du... Tu dis? Il vient d'Italie. J'ai interviewé un peu les gens autour du stand pour parler des livres, mais aussi... J'imagine, pas n'importe quel livre, puisqu'ici, c'est quand même un livre qu'a écrit Barre, bien spécial. Donc voilà, vous êtes d'accord de répondre à quelques petites questions? C'est pour du média alternatif. Je suis un média gentil, hein, ne me regardez pas comme ça. Nous, on parle français. Eh ben voilà, vous êtes d'accord de... Ouais. Ouais. Bon, allez. Ben oui, on est tous capables. Donc on est à la Foire du livre, donc on est l'idée c'est vous aimez les livres, quoi, j'imagine. Oui, on aime les livres, mais on n'est pas là simplement pour les livres aujourd'hui, mais on est là pour Bar Kim Jong-un, pour son livre. Spécialement, on est venu d'Italie expressément. Vous êtes venu d'Italie? D'Italie. Racontez pourquoi. Pour voir cette présentation, pour prendre les livres, pour voir Bar, pour le rencontrer, après la très mauvaise histoire des listes. Wanted de la Turquie sur sa tête mise à prix, donc on est là en solidarité avec lui, et vu que les amis en Italie voulaient beaucoup son livre, on est venu le prendre, on ramène beaucoup de livres en Italie. C'est un super ambiance, on est très bien. Et... Okay. Mais, Mais vous êtes qui, quoi, comment, pourquoi, expliquez-nous. Parce que, ok, vous venez prendre les livres de Barre pour les emmener en Italie, mais Italie, pourquoi ici, c'est un comité italien pour les droits humains, pour le respect des droits humains, les droits d'expression, et pour enlever l'état d'urgence en Turquie, en solidarité avec le peuple turc. Donc on travaille en solidarité, en soutien avec le peuple turc, avec les peuples de la Turquie, contre le régime Erdogan. Donc c'est bien, il y a de la solidarité en Italie, oui, via des livres, alors, parce que c'est quand même ça, via le livre. On va traduire ce livre aussi en italien, même si c'est un livre, comme dirait Bah, un livre de résistance, qui est peut-être une histoire pas très connue en Italie, pas très connue. On va la faire connaître, mais on a des autres textes de Bar très intéressants sur la Syrie, sur l'immigration de la Turquie en Belgique, en Europe, diaspora turque. Donc Bar est un personnage intellectuel très connu en Italie, très aimé depuis des années. Depuis, je pense, au moins le Gênes 2001, le G8, donc très apprécié pour caractère intellectuelle et militante en même temps, donc très suivi, et on a fait un petit effort, mais on est vraiment content d'être là pour suivre cette chose qui est importante pour le comité en Italie, aussi parce que maintenant on doit, après les nouvelles qui arrivent toujours plus mauvaises de la Turquie, on doit être prêt à réagir, à manifester, à chercher de faire comprendre, même au peuple italien, à nos amis italiens, que juste à côté, il y a un pays où il y a le fascisme qui s'y développe très rapidement. Et bientôt, ça va être notre histoire si on ne se réveille pas. Il n'y a pas des votes prévus là maintenant en Italie bientôt ? La semaine. Ça s'annonce comment ? Ça s'annonce avec les forces soi-disant progressistes, même si c'est difficile de résumer ça en progressistes, en très grande difficulté. Et avec la droite très proche à reprendre le gouvernement du pays. Pour l'instant, on pense que ça pourrait être ça. Encore Berlusconi. Encore Berlusconi ? Oui. Lui, il n'a pas le droit d'être élu, mais c'est lui qui tire toutes les élections. Et donc, peut-être, il a des bonnes chances de gagner. Même si, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en télévision, c'est vraiment un homme détruit maintenant, avec toutes les interventions judiciaires qu'il a fait pour saboter. Il n'arrive même plus à parler. C'est vrai, je n'ai pas suivi. Il dit des conneries en continu. Bah, il disait déjà des conneries, même sans ça. Oui, mais maintenant, c'est vraiment des conneries. C'est-à-dire, il avait proposé que la retraite minimum pour les retraités italiens soit pour tout le monde 1000 euros par mois. Non, ça, c'est écrit. Lui, il vient en télé et il dit tous les fois 1 million d'euros par mois. Pas 1000 euros, 1 200 euros. Et tout le monde se met à rigoler. Tout le monde dit, mais le programme, c'est quoi ? Lui, il commence à parler du programme, il se trompe, il rencontre n'importe quoi. Les gens en Italie ont le droit à voir le vétérinaire gratuitement tous les deux semaines. Le vétérinaire ? Oui, le vétérinaire. Parce... Donc on est d'accord, le vétérinaire, c'est pour les animaux, quoi. Oui, moi je suis vétérinaire, mais la folie, c'est penser de faire une campagne électorale sur ces choses-là, tu vois. Donc, ils sont en train de se battre et se défoncer en Italie des petits groupes sur la question fascisme, antifascisme. Mais c'est pas la question, personne ne parle de lutte de classe, personne ne parle de travail, personne ne parle de solidarité internationale, de ce qui se passe en... C'est vide, quoi. On fait le vide, c'est ça ? Le vide. C'est ça, le vide, pour ne pas penser. Et moitié des Italiens n'ira pas voter, même cette fois-ci, tu vois. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. La gauche qui fait la droite qui fait l'extrême droite. Et... partout la même chose. Ouais. Je comprends bien qu'en Belgique, ça va être la même chose. En France, c'est la même chose. Et quand la gauche a eu, pas le pouvoir, mais était au gouvernement, Rifondazione Comunista, c'est parti. Ils ont fait un mal aux travailleurs italiens extraordinaire. Ils ont fait vraiment du mal, tu vois. Genre quoi, une mesure pour qu'on comprenne. La première mesure, c'est la précarité sur le travail. C'était la gauche, pas la droite qui l'a inventé. Ça. Pareil, c'est, ici aussi, c'est pareil. Ouais. Hein. Et maintenant, on dit, oui, la droite qui veut... Non, c'est la gauche qui a commencé et on n'a pas été capable de récupérer. On n'a pas récupéré, on n'a jamais récupéré. Sur cette normal, parce que la gauche, c'était la droite déguisée, en fait. Ouais, et tu vois, exactement. Il y avait... Bar se rappelle très bien. En Italie, il disait, bon, en Italie, il y a toujours des millions de personnes dans les rues. Contre l'agression des Américains de l'OTAN à l'Irak, de la guerre, on a eu 3 millions de personnes dans les places en Italie. Vraiment, beaucoup de gens, mais beaucoup. Mais dès que la guerre est partie, il n'y a pas eu de mobilisation. Parce que le principal parti de gauche n'avait pas enterré. C'était seulement des manifestations, oui, contre la guerre, mais contre Berlusconi qui était au pouvoir. Donc on a vécu 20 ans de anti-Berlusconi, sans avoir construit rien autour, sans des mots d'ordre vides maintenant, tu vois. Alors la gauche c'est méchant, la droite c'est méchant, la gauche c'est bon. Mais c'est pas comme ça que tu vas parler avec les jeunes des quartiers, c'est pas comme ça. Comment tu vois le futur de tout ça? Qu'est-ce qui va se passer selon toi dans le futur? Comment ça sent quoi? Ça sent très mauvais, ça sent très mauvais. Et notre pays, l'Italie, nous aurait pu... Mais je pense que l'Europe nous rappelle tellement la République de Weimar, avant oui, en Allemagne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et si on ne se réveille pas, les choses vont continuer. Je te dis, en Italie, un pays qui a toujours été, si tu veux, de droite, mais solidaire, il y a une vague réactionnaire contre les immigrés, contre les travailleurs, qui ne vient pas des élites, mais qui vient du peuple. Tu vois, ça fait peur. Ça, c'est fou vraiment à terre. Mais tout ça est une construction. Tout ça a été mis en place aussi pour que ça se passe comme ça. Hein. Enfin, c'est toujours le même procédé quelque part. Mais donc, pour toi, tout ça, ça sent mauvais. Très mauvais, très mauvais. Très mauvais. Je pense que la difficulté du mouvement ouvrier n'a jamais été si forte que tant qu'aujourd'hui. Vraiment. Mouvement des étudiants, tout ça, c'est tout vraiment fracassé en Italie. Et on doit reconstruire tout. L'espoir, c'est la jeune génération. Nous, maintenant, je veux dire, on a presque fini notre chemin. Et on est en train de rien laisser aux autres qui arrivent. C'est ça qui vraiment t'emmerde. Quand tu dis nous, c'est qui nous? Notre génération. La génération des gens qui ont maintenant 50 ans, 40, 50 ans. Il n'y a rien derrière, en fait. Et comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Mes parents étaient partis après la guerre travailler en France. Ils ont vécu comme des animaux, mais ils avaient un rêve progressif. Le fils qui devient un docteur, qui va à l'université, c'est leur révolution sociale. Maintenant, le rêve des gamins, c'est d'avoir l'iPhone 7, 7, 8, 9. Même les rêves ont été détruits par le capitalisme. T'as des rêves très, très moches, très petits, qui ne veulent rien, un téléphone, un smartphone. C'est ça. Donc, nous, on est obligés de parler, de regarder les jeunes et dire... La génération des 50 ans, comme tu dis, ils auraient pu ne pas laisser faire. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Je pense que les cinquantenaires aussi, ils sont rentrés un peu dans la machine économique. Hein. Ah, totalement, totalement. Ce qui fait que les jeunes qui suivent en dessous, ils sont aussi c'est dedans. Ça, le problème. C'est ça le problème. Ils sont devenus des dirigeants politiques de haut niveau, mais de haut niveau, pas à côté du peuple, de haut niveau, c'est-à-dire Bruxelles, Commission européenne et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont déjà rejoint le socialisme, le paradis en terre. Avec ceux qu'ils ont d'argent, tu vois. Tu parles de qui là? J'ai perdu le fil. Des élites italiennes qui ont 50 ans. Oui, moi je ne parlais pas spécialement des élites, je pensais aussi à nous, le peuple, c'est-à-dire qu'il y a des gens de 50 ans. On est narcotisés. Nous on dit un truc, tétanisés en Italie, on dit, tu vois, par rapport à ça. On a 50 ans, on a une mémoire des luttes qu'on a fait. Mais à 10 ans, 20 ans, on a encore une mémoire. Mais on n'est pas capable de bouger maintenant. On est comme paralysé. C'est ça aussi le problème, je crois. Hein. C'est qu'il n'y a pas de relève parce que les cinquantenaires... Je ne parle pas de l'élite. Maintenant, l'élite a mis tout en place pour que ça se passe, évidemment. Mais je pense que les gens, et j'en fais partie, n'ont pas bougé leurs fesses. Ils avaient un peu tranquillou, le frigo rempli, de mauvaises choses, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et c'est pour ça. Si tu me demandes, moi... Mais je pense qu'en Belgique, ça soit la même chose. Combien de grèves ont fait les travailleurs italiens contre les guerres qu'on a vues dans les 10 dernières années? Aucune grève générale. Une fois, ça marchait comme ça. Il y a une grève, je ne veux pas la guerre. Parce que probablement, même les travailleurs ont compris. Cette guerre qui va prendre le pétrole ici ou là-bas, dans ma tête, je n'arrive pas à le concrétiser, mais je pense que Si on gagne cette guerre, si les impérialistes gagnent cette guerre pour nous, nous on va continuer à travailler, à avoir notre frigo plein, notre télé, le foot le dimanche, le samedi, et les autres s'y meurent, et on s'en fout. C'est un gros problème. Les petits mots de la fin de tout ça, de cette discussion, mots de la fin. Les mots de la fin, une phrase en turc, tekyol devrim, une seule solution, la révolution. Ça va, merci. Et puis tête-à-tête avec Bar, mais c'est pas vraiment un tête-à-tête puisqu'on est assis au stand à la Foire du Livre et il y a plein de monde qui passe. Et quand les gens viennent causer avec Bar, je coupe mon micro, puis on reprend la conversation et on fait comme ça, plusieurs fois. Allez, c'est parti. On rencontre Bar, Kim Jong-gur, est-ce que j'ai bien prononcé ? Kim Jong-gur, parce qu'il y a deux points sur le U, et voilà, c'est comme en allemand, il y a le umlaut. Et, Bar Kim Jong-gur, c'est ça ? Mais en arabe, c'est Kamouné. Comment ? Kamouné en arabe. Kamouné ? Oui. Mes ancêtres ont dû être des marchands de cumin ou des planteurs de cumin. D'accord. Donc on est à la Foire du Livre et tu as un stand ici avec un bouquin que tu écris, Bar, qui s'appelle Ferry Erdal, tête de Turc au féminin. Oui, c'est l'histoire d'une militante qui a quitté la Turquie en 1996, accusée d'avoir participé à un attentat, en tout cas d'avoir ouvert les portes d'un bâtiment ultra sécurisé dans lequel se trouvait un milliardaire, et donc elle aurait laissé entrer en Turquie, en janvier 1996. C'est en tout cas l'accusation qui est portée contre elle. Et depuis lors, elle est entrée en clandestinité, elle avait 18 ans à l'époque, et depuis 1996, en fait, elle vit recluse, elle vit... Ici en Belgique, alors ? Aucune idée. Elle a vécu en Belgique en 99, de 99 à 2006 en tout cas. Là, ça va trop vite pour moi. Alors, elle est entrée en clandestinité en 96. Elle a disparu. En Belgique ? Non, à Istanbul. Elle était accusée d'avoir ouvert les portes d'un holding situé à Istanbul. D'accord. Et le jour où cet attentat a été finalement découvert par les autorités, dans les minutes qui ont suivi l'attentat, sa tête a été mise à prix. Et donc elle a décidé de prendre la clé des champs. Ouais. C'était le 9 janvier 1996. Et donc depuis cette date-là, elle a toujours vécu dans la clandestinité. Jusqu'au jour où... Ok, mais quand on dit clandestinité, ça veut dire elle disparaît dans la nature, on ne sait pas où, ni dans quel pays même, exactement, c'est ça. Exactement. Voilà. Le 26 septembre 1999, la police et les pompiers découvrent un groupe... Mais la police et les pompiers, où ? En Turquie ? En Belgique ? J'allais le dire. Découvrent à Knokk, à Duinbergen, sur la côte belge, sur la côte flamande, des jeunes gens quittant un appartement dans la précipitation. Et ils découvrent que parmi eux, il y a une femme qu'ils arrêtent. Un mois après l'avoir mise en détention, ils découvrent que la femme qui prétendait s'appeler Neşe Yıldırım s'appelait en réalité Ferriye Erdal. Et à ce moment-là, donc, se déclenche toute l'affaire politico-judiciaire qui va entraîner la Belgique et la Turquie dans un rapport assez tendu parce que la Belgique, en 2000, va refuser de l'extrader. La Belgique va refuser d'extrader Ferri Erdal pour plusieurs raisons, notamment parce que la tête de cette fille est mise à prix, parce qu'elle est menacée de mort, parce qu'elle est jugée dans une affaire et accusée en fait, d'avoir participé à une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. L'article 146,1/1 du code pénal turc qui prévoit la peine de mort. Et donc déjà, le fait d'être poursuivi en vertu d'une loi éminemment politique, renverser l'ordre constitutionnel. C'est déjà illégal du point de vue belge. Le fait que la Turquie applique, ou en tout cas une législation qui prévoit la peine de mort, est illégal et donc empêche cette extradition et la demande d'extradition d'être honorée. Et puis ensuite, il y a la situation de torture endémique dans les commissariats, dans les prisons turques. Les massacres de prisonniers qui ont finalement dissuadé les autorités belges d'extrader cette militante vers la Turquie. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les cours de sûreté de l'État, c'est-à-dire des tribunaux militaires qui voulaient juger Ferri Erdal. C'est également un argument qu'a fait valoir le procureur de l'époque pour refuser, en fait c'était Delmul, celui-même qui a instruit... Comment tu as dit ? Johan Delmul a refusé l'extradition de Ferri Erdal parce qu'il était poursuivi dans les tribunaux militaires, les cours de sûreté de l'État, qui ont disparu par la suite. Mais en tout cas en 2000, au moment où cette affaire a été traitée par les tribunaux belges, cinq arguments ont été avancés par la justice belge pour refuser la demande d'extradition émise par la Turquie. Et donc cette femme est restée en Belgique. Elle ne pouvait pas être extradée parce que les lois belges ne l'autorisaient pas. Et en même temps, le gouvernement belge ne voulait pas régulariser la situation de cette militante parce que, d'après les autorités belges, cette femme constituait ou représentait un trouble à l'ordre public et à la sécurité nationale. Donc elle n'était pas extradable, elle n'était pas régularisable. Alors il restait une solution médiane, qui était celle de l'extrader vers un pays tiers. Mais il fallait que ce pays tiers n'ait pas de relation d'extradition avec la Turquie. Et donc la Belgique était bloquée parce qu'elle n'a pas trouvé cette alternative. Ils ont pensé au Congo, ils ont pensé à d'autres pays. Finalement, ils n'ont pas trouvé de solution pour Ferrier-Erdal. Et en même temps, ils ne pouvaient pas la garder en prison parce que l'affaire était à l'état de l'instruction. Et donc, elle avait fait déjà un an de prison. Donc, entre le 26 septembre 99 et la fin du mois d'août, elle avait fait à peu près un an de prison, hein, 11 mois de prison, un peu plus. Et il n'y avait plus lieu de la priver de sa liberté. Donc, elle s'est retrouvée dans une sorte de no man's land administratif et judiciaire. Et c'est là que moi, je suis intervenu. C'est-à-dire que j'étais déjà fort actif sur la question turque et sur la question des droits et des libertés en Turquie. Connaissant un peu le sort réservé aux opposants, je me suis positionné dans ce dossier et j'ai proposé aux autorités, en même temps que d'autres exilés turco-kurdes vivant en Belgique, d'offrir le gîte à cette femme et donc d'accueillir son assignation à résidence dans le bureau d'information où je vous ai d'ailleurs accueilli il y a à peu près 15 ans, où je faisais, de l'activisme humanitaire, et je dénonçais en fait le sort réservé aux prisonniers politiques, et j'organisais la solidarité avec les prisonniers en grève de la faim. Et donc cette femme est restée, m'a côtoyé, on a cohabité pendant près de 2000 jours. D'ailleurs, c'est le sous-titre de ce livre, hein, 2000 jours cachés à Bruxelles. Et pourquoi tu dis 2000 jours et tu parles pas en années là ? Parce que c'était pas exactement 5 ans ni 6 ans, c'était entre les deux, quoi. C'était du mois d'août 2000 jusqu'au 26 février 2006. Donc on arrive à peu près à 2000 jours. Donc Ferrier-Erdal, je la connais de par ces années-là. On a grandi littéralement ensemble, parce qu'on a quand même passé énormément de temps ensemble. Et donc je pose un autre regard sur elle que celui qui est véhiculé par les médias et par les autorités turques depuis des années déjà. Ferrier-Erdal a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruges l'an dernier à 15 ans de prison pour sa participation à l'attentat d'Istanbul. Tu as dit l'an dernier ? Oui, l'an dernier. Donc finalement, elle a été condamnée pour terrorisme en Belgique à 15 ans de prison. Et c'est suite à cette condamnation que j'ai décidé de sortir du bois et d'écrire ce livre. Parce que je connais sa valeur humaine. Je l'ai côtoyé. Je ne connais pas le dossier judiciaire. J'avoue ne pas avoir pris connaissance du détail de ce qui lui est reproché. Mais en même temps, je sais que Ferrier-Erdal n'a pas eu l'occasion de se défendre, vu qu'elle est cachée, vu qu'elle est en clandestinité. Parce que en 2006, après près de 5-6 ans d'assignation à résidence, après que le tribunal correctionnel de Bruges l'ait condamné à 2 ans de prison parce qu'elle portait des faux papiers. Comment dire, situation explicable, vu qu'elle était recherchée par les escadrons de la mort en Belgique, donc par les escadrons de la mort turcs, et qu'elle risquait toujours cette extradition vers la Turquie. Donc elle avait utilisé des faux papiers. Donc c'est en vertu de cela qu'elle a été poursuivie en Belgique. Et en 2006, donc, quand elle a été condamnée pour ses faux papiers et sa présence en Belgique, sa présence illégale en Belgique, elle est entrée en clandestinité. Donc depuis 2006 jusqu'à 2018, donc ça fait 12 ans qu'elle a disparu. Et donc voilà, j'ai écrit ça. Elle a disparu, elle existe toujours. Comment ? Elle existe toujours ? Bien sûr qu'elle existe toujours. Donc elle vit dans la clandestinité depuis 1996. Mais c'est hallucinant cette histoire. Moi je croyais que. En fait, cette femme est en prison depuis 22 ans. En fait, c'est une prison qui a évolué parce qu'elle a vécu de 96 à 99, je ne sais où. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a découverte à Knokke en 99. On ne sait pas depuis combien de temps elle vivait en Belgique. Et donc, elle a vécu ces trois années-là dans la clandestinité. Et puis, elle a vécu à peu près 11 mois en prison à Bruges. Et puis, elle a été transférée vers cette assignation à résidence. Donc, elle est restée recluse dans une maison pendant près de 5-6 ans. Et puis, deux jours avant sa condamnation à Bruges, après une course-poursuite, parce qu'elle s'est déplacée, en tout maximum 15 fois hein, pendant cette assignation à résidence, elle a été tracée et suivie par deux voitures banalisées. Et donc, cette situation lui a fait penser que, voilà, elle était pourchassée par des escadrons de la mort turque. Donc, elle a décidé de se mettre à l'abri. Deux jours après, elle a été condamnée à Bruges pour les faux papiers. Et donc, depuis lors, sachant que bon, bah, les relations entre la Belgique et la Turquie ont toujours été cordiales, et qu'elle savait qu'en étant, en se livrant aux autorités belges, elle risquait à nouveau ce processus de, voilà, de livraison, ou en tout cas de discussion dans le cadre d'une livraison à la Turquie. Et donc elle a préféré se mettre à l'abri. Et donc si on fait le calcul, depuis 2006 jusqu'à 2018, donc elle vit dans un endroit, à une adresse inconnue, dans un pays inconnu. Et donc en fait, si on fait le calcul et l'addition, bah, de toutes ces années, ça fait 22 ans de prison. Elle n'existe plus quelque part, elle n'existe pas tout, alors qu'elle existe encore. Exactement, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lui donner vie à travers ce livre. J'ai voulu la faire connaître pour l'avoir côtoyée pendant tant d'années. Et j'ai surtout voulu déconstruire toute cette image monstrueuse qu'on lui colle, parce qu'elle est accusée de tous les noms. C'est la femme turque la plus recherchée par le régime Erdogan aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour déconstruire cette image, cette diabolisation, et alors pour faire connaître aussi le combat de tous ces militants. Et ils sont des milliers à être criminalisés, à être diabolisés. Et voilà, donc j'ai posé un acte de désobéissance civile par rapport au régime d'Ankara, qui ne veut pas, qui n'autorise aucune pensée dissidente, que ce soit dans le dossier d'Afrin, hein, de l'invasion du nord de la Syrie, où vivent des Kurdes qui se sont battus contre Daesh, à un autre dossier comme celui de Sabancı. Eh bien, le régime Erdogan ne veut pas que l'on pense mal. Et donc voilà, j'ai... Ah oui, pense mal, ne pense pas comme eux, surtout, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Et donc on s'est catalogué tout de suite, terrorisme, on ne se pose pas 36 000 questions. Mais si je comprends bien l'histoire de départ, Ferhi Erdal habite en Turquie, aide, c'est ce qui est expliqué au début, des militants. Aide des militants, voilà. C'est dans l'acte d'accusation, effectivement. Donc c'est une jeune fille qui est née à Adana. Elle est originaire de Sivas. Elle a des origines turco-kurdes, mais elle fait partie d'une minorité confessionnelle qui est celle des Alevis. Elle a toujours vécu dans la peur de porter cette identité extrêmement dure qui est d'être Alevi en Turquie. Et donc cumuler à la fois l'identité de gauche, Alevi, kurde, dans un pays où la norme c'est être turc sunnite de droite, c'est un peu le credo imposé par le régime Erdogan. Eh bien, on est directement catalogué, on est directement taxé de terroristes. Et donc, c'est valable pour des millions de citoyens. Aujourd'hui, vous écrivez un tweet critiquant la politique étrangère d'Erdogan, vous vous retrouvez en prison, quel que soit votre âge. Vous faites de la musique pop ou vous appartenez à un groupe de musique militant comme le groupe musical Yorum, on met votre tête à prix. Et c'est effectivement le cas. Donc, le groupe musical Yorum, qui est extrêmement connu, hein, ils ont produit 31 albums, 300 procès ont été intentés contre ces musiciens. Et ils se sont retrouvés, en fait comme moi, taxés de terroristes. Leur tête a été mise à prix. Et donc ils sont recherchés par les tueurs du régime Erdogan. Et donc mon livre, c'est aussi pour parler de toutes ces dissidences, de tous ces profs, de tous ces journalistes, ces avocats, ces musiciens, se battent pour une Turquie libre, pour une Turquie démocratique, pour une Turquie plurielle, pour une Turquie laïque. Et donc je fais partie de cette famille politique-là, c'est-à-dire je fais partie de ces millions de citoyens qui ont, d'une manière ou d'une autre, posé un acte de désobéissance. Mon livre est un acte de désobéissance, c'est pour ça que je l'ai écrit, pour défendre le droit à la vie de Ferhi Erdal, parce qu'elle est vraiment menacée de lynchage. Elle est menacée par les escadrons de la mort, et je ne suis pas le seul à le dire. Donc il y a un député, en tout cas un député d'origine arménienne, un turco-arménien qui s'appelle Garo Paylan. Il y a quelques semaines à peine, il a déclaré que des escadrons de la mort avaient été envoyés par le régime Erdogan pour liquider des opposants politiques. Et donc je crains pour sa vie, sans savoir où elle vit. Cela m'importe peu. Plus elle se taira dans la clandestinité et dans le secret, et plus sa vie sera sauve. Et donc je l'imagine mal refaire surface ces prochaines années. J'ignore où elle est, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de savoir, mais je l'ai connue pendant 5 à 6 ans. Je sais ce qu'elle vaut, je connais ses qualités humaines, et j'en parle dans ce livre. Voilà. Et toi, Bar, tu es diplômé à l'ULB en histoire de l'art et en archéologie. C'est pas vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves maintenant voilà, ta tête est mise à prix, dit-on. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as aussi été emprisonné, toi? Oui, j'étais emprisonné notamment à cause de cette affaire, parce que je me suis positionné par rapport à cette affaire. J'ai été accusé de terrorisme en Belgique, mais finalement, j'ai été acquitté. Parce que finalement, la montagne a couché d'une souris, que les accusations ne tenaient pas la route, et que finalement, cette affaire, c'était une manière, en tout cas, d'honorer une demande venant de la Turquie. En fait, si les autorités belges ont voulu me faire taire en 2005-2006, c'était pour faire plaisir à Erdogan. Et finalement, heureusement, les juges belges ont fait preuve d'indépendance et n'ont pas suivi le parquet fédéral. Oui, j'ai toujours eu des soucis depuis que je me positionne par rapport au conflit en Turquie. Et voilà, et effectivement, j'ai fait des études d'archéologie, mais je pense que être archéologue n'est pas du tout incompatible avec mon engagement, parce que l'archéologie nous apprend à aimer l'humanité et à comprendre l'humain dans toute sa diversité. Vous savez, quand vous creusez la Terre, vous traversez les époques, les civilisations, et vous constatez finalement que la Terre, elle est comme l'être humain. Une accumulation de gènes, de patrimoine, un patrimoine génétique, un patrimoine culturel qui dépasse toutes les identités, quoi. Et voilà, quand j'ai découvert les identités multiples de Ferhi Erdal, ça m'a donné l'envie de creuser l'histoire de la Turquie. Je parle d'ailleurs à travers ce livre d'un millénaire de résistance des Alevis, de tous ces dissidents qui se sont battus contre toutes les élites qui ont pris le pouvoir, qui étaient au pouvoir en Anatolie, de l'Empire Seldjoukide. Même je passe par l'Empire Byzantin d'abord, et puis je parle de l'Empire Seldjoukide, l'Empire Ottoman, le régime jeune turc, la République kémaliste et le régime Erdogan. Donc je parcours toutes ces époques, et je parle de toutes les résistances qui ont émaillé cette histoire millénaire, en fait. Bah, j'ai envie de me dire, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait, Bahar, pour que le président Erdogan... Qu'est-ce que... Tu vois, je comprends pas très bien de quoi il a peur, quoi, au fond. Enfin, là, on peut peut-être pas tout dire, évidemment, mais je veux dire, c'est que tu fais peur, quoi, voilà. Tu fais peur... On a envie de dire, mais de quoi il fait peur, ce Bahar, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a raison d'avoir peur. Non pas parce que je suis dangereux, je ne le suis pas. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de violent. J'ai toujours été dans le débat. Mais il a raison d'avoir peur parce que mes idées sont contraires à son projet. Et donc, je refuse, par exemple, cette dictature et cette volonté d'imposer une manière de penser qui est contraire aux valeurs universelles, que sont la laïcité, la liberté d'opinion, le droit des minorités. Tout cela, Erdogan les ignore. Et donc mon combat, c'est celui de la vérité et de la justice. J'essaye, à travers mon livre et également à travers tous mes engagements, de développer un contre-discours et de montrer que l'autre Turquie, celle dont on ne veut pas parler, celle qui est finalement marginalisée et réprimée, eh bien, elle a également le droit de citer. Et donc il a raison d'avoir peur, parce que je veux mettre fin aux privilèges en Turquie, comme les libres penseurs l'ont fait au Moyen-Âge, durant l'Ancien Régime, quand ils ont exigé que Versailles cesse de faire souffrir le peuple. Et donc aujourd'hui, Erdogan s'est enfermé dans son palais, un palais avec 1001 pièces. Je trouve ça scandaleux. Je trouve qu'une république qui se dit démocratique, qui se dit être un état de droit, n'a pas à redevenir un empire, un sultanat, un califat, comme il se profile, d'ailleurs comme il se déclare. Il essaie de vendre ce produit extrêmement dangereux, qui est celui de l'islam politique, de l'islam conquérant. Il a une politique étrangère extrêmement agressive. On le voit en Irak, on le voit en Syrie, on le voit à Chypre, on le voit même en Europe, parce que voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui fanatisés, qui croient en son projet. Et il ne cesse, à travers son discours, de polariser les sociétés européennes en accusant les uns et les autres d'être turcophobes, en fait, de manière à radicaliser finalement les jeunesses turques. Donc il y a un danger pour la population turque, pour les opposants, mais également pour les pays voisins, mais aussi pour les citoyens européens, qui sont de plus en plus confrontés à une génération de jeunes qui sont bienveillants, qui n'ont rien à se reprocher. C'est une génération qui font partie de notre société. Ce sont des Turcs qui vivent en Europe, qui grandissent avec nous, mais qui malheureusement sont forcés à ce devoir d'allégeance et qui se retrouvent investis d'une sorte de mission presque prophétique, qui est celle de combattre les traîtres, y compris en territoire européen. Et donc voilà, j'apporte un contre-discours et j'essaye de tisser des relations avec les jeunesses turques qui vivent en Europe et qui se retrouvent déboussolées parce qu'elles souffrent de cette double identité, en même temps de ne pas finalement se reconnaître dans ni l'une ni l'autre identité. Donc ils se retrouvent un peu entre deux feux, ils ne savent pas sur quel pied danser et finalement ils se recroquevillent sur une valeur sûre. Parce qu'aujourd'hui, être turc, quand on entend Erdogan, ça nous donne des ailes, on se sent fort, il donne cette illusion de toute puissance. Et je comprends quelque part les Turcs qui sont attirés comme le chant des sirènes par le discours guerrier d'Erdogan, mais pour moi c'est une coquille vide. Parce que vouloir à tout prix prouver qu'on vaut plus que les autres, ce n'est pas en soi une expression de la force. La force, c'est d'être capable de se remettre en question. La force pour moi, c'est le doute. La force, c'est la critique. La force, c'est être capable d'aimer les gens qui sont différents de soi. Et aujourd'hui, en fait, le modèle érigé par Erdogan, le modèle de cette nouvelle jeunesse pieuse qu'il veut fabriquer, eh bien, c'est une coquille vide. Parce qu'il suffit qu'il y ait un nouveau coup de force à la tête du pouvoir. Il suffit qu'il y ait un nouveau coup d'État et qu'un anti-Erdogan prenne le pouvoir. Et vous verrez tous ces gens qui vont se rallier au nouveau chef. Parce que dans cette éducation et cette volonté de faire prêter allégeance aux nouvelles générations, il y a le culte de la force, mais la force brute. La force brute, elle a toujours conduit à des chutes. Quand je dis chute, je pense au Unterkang de Hitler, de ce film qui montre un peu cette ascension folle de ce dictateur et qui a fini en fait dans un bunker, après s'être suicidé. Et après avoir eu son empire qui s'est complètement écroulé et qui est encore voué aux hégémonies par l'humanité entière. Voilà. Mais est-ce que tu serais d'accord, parce que c'est énorme évidemment, là, moi je ne connais pas spécialement tout, d'accord, donc ce que je peux te dire peut paraître énorme, mais donc la Turquie est en dictature, ça c'est clair et net, on peut appeler ça comme ça, une dictature, genre même peut-être du fascisme, où il ne faut pas aller jusque-là. Déjà ça, est-ce que c'est une... voilà. Oui, j'estime, et tous les éléments, toute la pratique du régime Erdogan prouve que la Turquie est régie par un système fasciste. Alors, il y a évidemment un processus, c'est-à-dire que le fascisme ne débarque pas du jour au lendemain. Hitler a construit son pouvoir dès les années 20. C'était à travers la criminalisation du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. Et donc, avant Hitler, il y avait déjà des gouvernements, gouvernement social-démocrate, d'ailleurs celui de Nosk, qui a tiré sur les travailleurs, avant même l'accession de Hitler au pouvoir. Donc, quand il est arrivé en 1933, il n'a pas immédiatement ouvert les camps. Il y a eu tout un processus de fascisation de la société. Les nuits de Cristal et tout cela, le procès du Reichstag, et puis sa politique étrangère guerrière. Donc, et puis il y a eu entre-temps une liquidation des intellectuels, une guerre interfasciste entre les SA et les SS. Et donc j'ai l'impression qu'on est en train de revivre cela. Et donc on est dans un processus de fascisation. Le problème, c'est que ce n'est pas définitif et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça peut dégénérer, ça peut être encore plus grave que ça ne l'est aujourd'hui. Personne ne peut prévoir ce qu'il peut faire parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. Il est extrêmement colérique. Même les gens de son premier cercle ont peur d'Erdogan. Davutoğlu, son ministre des Affaires étrangères, était son bras droit. Aujourd'hui, il a disparu. Gulen était... C'est pas où il est, quoi. En fait, quand je dis il a disparu, il a disparu de la circulation. On ne sait pas qu'il a été liquidé physiquement. Mais en tout cas, il a été marginalisé. Il a été, mis à l'écart par le pouvoir Erdogan. Mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, ces plus purs zélateurs peuvent se retrouver en prison. Et d'ailleurs, Gulen, c'est l'homme qui l'a érigé en sultan. En fait, Erdogan doit tout à Gulen. Gulen aujourd'hui Gulen, la bête noire, bah, c'est celui qui est accusé d'avoir fomenté le coup d'État du 15 juillet 2016. Alors c'est marrant de voir quand même que, enfin c'est marrant et triste de voir que ceux qui l'ont hissé au pouvoir se retrouvent aujourd'hui accusés de terrorisme et sont réprimés comme n'importe quel terroriste entre guillemets. Oui, j'aimerais. Ok. Il y a des gens qui achètent le livre de. La caisse pour acheter le livre. Attendez. Donc on reprend la converse. Hein. Donc on est au stand Foire du Livre. Il y a des gens qui veulent acheter le livre de Barre, évidemment. Donc on reprend la converse. La Turquie, on disait, je posais la question, dictature, fascisme, hein, tu as un peu précisé. Et en fait, moi j'avais envie de dire, mais tu vas peut-être trouver ça énorme, mais j'assume. Ok, la Turquie, c'est très clair. Elle est facho, elle jette les gens en prison, elle tue, elle n'accepte pas l'opposition, c'est clair et net. Et moi, ce qui me dérange souvent, évidemment que c'est inacceptable, hein, d'accord ? Entends-le bien. Hein. Mais ce qui me dérange souvent dans le discours officiel, c'est de regarder l'Europe ou parler de démocratie ou parler dans nos pays, à nous on va dire ça comme ça, enfin dans mon pays, pas dans mon pays mais plutôt en Europe quoi. Voilà, souvent on montre que... Est-ce que tu vois un petit peu, c'est-à-dire que l'Europe, elle est démocrate, elle fait la guerre pour le bien, elle fait, tu vois, alors que petit à petit, de plus en plus dans ces pays-là, le fascisme est occupé aussi, et il était là, il n'est pas arrivé aujourd'hui, quoi. Hein, tout s'est mis en place aussi pour que ça arrive. J'aimerais bien entendre des mots. Comment tu te positionnes par rapport à ça, clairement, avec un pays qui est facho, mais au moins c'est une grosse bave dans la figure, mais c'est clair et net, tu vois, tu sais à quoi t'attendre, plutôt qu'à tous ces pays européens où on joue, et moi vraiment, je le répète, ça me fait mal d'entendre toujours cette Europe qui se positionne, tu vois, en démocrate, je suppose, tu vois un petit peu... Une institution respectueuse des droits et des libertés, etc. Oui, bah, écoute, que dire ? Tu vois, il y a une phrase comme ça qui dit « Dictature, c'est ferme ta gueule, et démocratie, c'est cause toujours », quoi. Enfin, voilà. Bon. Les relations entre l'Europe et la Turquie se sont parfois dégradées, mais elles ont toujours été cordiales. Depuis que la Turquie... tente d'entrer dans l'Union européenne. Et depuis que l'Europe se sert de la Turquie comme poste avancé dans les guerres au Moyen-Orient, eh bien, la situation des opposants politiques a toujours été déplorable, voire désespérante, parce que finalement, la réelle politique a toujours primé sur les relations humaines, sur les valeurs humaines. J'en tiens pour preuve le fait que ma tête vient d'être mise à prix par le régime Erdogan à ce jour, depuis deux semaines. Il n'y a pas eu une seule réaction du gouvernement. Quand vous avez un citoyen belge qui est menacé de mort en Belgique par un régime, mais il n'y a aucune volonté de demander des comptes. Alors c'est qu'il y a il y a collusion, il y a collaboration, c'est qu'il y a une volonté de satisfaire les exigences du régime Erdogan. Et c'est vraiment triste parce qu'on voit que finalement, la démocratie est un principe à géométrie variable. Il n'y a pas si longtemps, Erdogan est venu inaugurer Europalia. Donc un événement culturel mettant à l'honneur la culture, la très respectable culture turque, mais l'invité de choix était Erdogan. Et à cette occasion, le Premier ministre Charles Michel a décoré le dictateur Erdogan du prix de l'ordre de Léopold. Donc ça montre bien qu'on ne compte pas, que notre vie ne vaut pas un clou aux yeux des élites, que ces élites soient européennes ou turques. Et donc, moi j'en appelle à la solidarité, mais entre citoyens, entre petites gens, entre le menu peuple de Belgique et le menu peuple de Turquie. Et que c'est de là que viendra l'espoir démocratique. Et c'est ainsi que nous pourrons mettre un terme à la dictature en Turquie. C'est grâce à cette solidarité intercitoyenne. J'y crois vraiment. Bon, comme je suis quelqu'un de parole, t'as dit que c'était la dernière question, on arrête, quoi. Mais j'aurais encore des choses à dire. Hein. Merci, hein, bah. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Voilà, Bar doit partir, voilà, c'est comme ça. On aurait encore bien discuté avec Bar, mais du coup, t'es le plan B. T'es d'accord? Et le plan B, c'est de se... Tu dis? Il faudrait peut-être que je lui dise au revoir aussi, mais... Avec la main, non? Vous allez vous revoir, de toute façon. Ah, ben j'espère. L'édition du livre, ça s'appelle Now Future. Il faut prononcer Now Future. Sinon, on croit que ça signifie No Future, ce qui signifie pas de futur. Or, l'idée, c'est bien de dire Now Future, le futur, c'est maintenant. Donc, l'idée, c'est préparons aujourd'hui l'avenir. Préparons aujourd'hui demain. C'est ça notre ligne éditoriale. Préparons aujourd'hui demain. Et ça donne quoi? Bar Kim Jong-un? Notamment. Disons que c'est en un mot très bref. C'est une espèce de slogan qu'on a voulu pour expliquer qu'on a dans l'idée de faire des livres qui proposent une réflexion à long terme, qui offrent aux citoyens, aux lecteurs, on va dire, de quoi alimenter sa propre réflexion. Donc, que ce soit dans un domaine social, ou politique, ou juridique, ou économique, ou quoi que ce soit d'autre, l'idée est de proposer aux lecteurs une réflexion documentée, intelligente, vivante, éventuellement basée sur un témoignage réel, pour faire réfléchir. Ben, vous avez du courage de vous lancer dans l'édition, non? Regardez ici à la foire du livre, c'est la foire de l'édition, quoi. C'est vrai. Moi, je ne suis que l'éditrice. J'ai un directeur au-dessus de moi qui, lui, décide. C'est lui qui tranche, en fait, pour savoir si on va faire un livre ou non. Mais moi, je suis l'éditrice, c'est-à-dire c'est moi qui prends en charge tout la réalisation du livre depuis les premières relectures jusqu'à sa promotion. Mais c'est vrai que ça demande un engagement réel parce que un éditeur ou relecteur ou quelqu'un qui s'occupe de la promotion qui ne croit pas en le livre qu'il est en train de faire avec l'auteur, ça n'aurait aucun sens et ça n'aurait aucun impact. Donc bien sûr, on essaie de s'investir aussi dans le livre du point de vue personnel. Et c'est un premier livre ou bien il y a d'autres livres déjà? Ah non, pas du tout. Oui. C'est une nouvelle édition, un nouvel éditeur. Toi, t'es l'éditeur et l'édition est au-dessus de toi, c'est ça hein, que tu disais? J'ai un directeur au-dessus de moi, oui. Donc officiel. En français, c'est compliqué parce que le mot éditeur recoupe deux réalités différentes. À la fois l'éditeur qui est, on va dire, le producteur, celui qui finance, et on appelle aussi éditeur en français celui qui réalise. Dans le film, vous avez ces deux termes différents. Il y a le producteur qui fournit l'argent et il y a le réalisateur qui prend en charge la réalisation. Eh bien, moi, je suis éditrice au sens réalisatrice. C'est comme ça. Et il y a eu d'autres livres, alors Oui, en effet. C'est une maison qui existe depuis octobre 2016. Et on est à notre 12e bouquin à la grosse louche, quelque chose comme ça. Ce qui signifie qu'on a quand même pas mal travaillé, parce qu'il faut savoir que l'édition d'un livre, si tout va bien, si le texte est bon, et si les images sont correctes et qu'on en a les copyrights et tout ce qu'il faut, ça prend quand même 3 mois. Donc faites le calcul, 3 mois, si on a déjà 12 bouquins à notre actif, c'est pas mal, je pense, depuis 2016. C'est pas mal, quoi, au niveau... quel niveau c'est pas mal? C'est pas mal au niveau rapidité, je pense. Alors, on pourrait dire, oui, mais on n'a qu'à... on pourrait faire encore un peu plus vite, décider avec les moyens d'aujourd'hui de travailler plus rapidement et de sortir le livre en un mois. C'est vrai, mais alors ça laisse pas de temps à l'éditeur pour peaufiner le livre final. Faut dire que l'éditeur n'est pas juste un imprimeur. L'éditeur prend fait et cause pour le livre. L'éditeur est responsable du contenu du livre. Et c'est aussi lui qui offre un point de vue neutre à l'auteur pour éventuellement encore améliorer un manuscrit qui est déjà excellent. Par exemple, dans ce cas-ci, on avait un manuscrit qui était remarquable, très bien ficelé, très bien documenté, très érudit et en même temps très simple, très accessible et parfois très, très drôle aussi, de manière surprenante. Mais nous, en tant qu'éditeurs, on se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter des cartes ou bien une petite chronologie des faits dans un encadré ou bien une note de bas de page pour expliquer quelque chose qui risque d'être moins connu ou bien un lexique, un index. Voilà, ça c'est notre rôle en tant qu'éditeur. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom ? Bien sûr. Wendy, voilà. Wendy Neve. Ça va, ça ne pose pas de soucis ? Tu peux me faire la conférence de presse sur le livre alors ? Tout ça ? Il paraît que tu... Bah, on a le temps. Comment tu défendrais ça alors? Attention, c'est parti. Ben, en tout cas, je peux reprendre une partie de ce que j'ai dit à la conférence de presse, à savoir pourquoi nous, chez Now Future, nous avons décidé d'éditer ce livre. Il y a d'abord un critère dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, à savoir qu'on avait pour but de favoriser la réflexion citoyenne. Dans ce cas-ci, c'est un peu particulier parce qu'on est face à un constat. Face à un État turc autoritaire et violent, il est évident, il est nécessaire, il est légitime que des gens courageux se lèvent et protestent, ne fût-ce que pour avoir le droit de vivre debout. Mais alors, la question peut-être, mais dans ce cas, est-ce que c'est un livre pour encourager la violence? Non, absolument pas, bien sûr. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas non plus le but de Bar Kim Jong-un. Au contraire, nous voulons faire réfléchir. Nous n'allons d'ailleurs pas remettre en cause le jugement qui a été prononcé à l'égard de Ferry Erdal en 2017. Un jugement qui la condamne donc pour les faits qui ont été commis en 1996 à l'égard d'Özdemir Sabancı, l'homme d'affaires turc. Ce n'est pas notre propos ici. Mais nous voulons poser cette question fondamentale au public. Face à un État qui est autoritaire et violent, le rebelle qu'on nous présente comme un terroriste, ne devrions-nous pas plutôt le considérer comme un résistant? Ça nous paraît une question fondamentale, qui déborde très largement du cadre de cette situation très personnelle de Ferry Erdal. Et l'autre point qui nous a vraiment plu en lisant le manuscrit de Bahar Kim Jong-un, c'est de savoir que malgré un rôle de tout premier plan dans cette histoire, parce que Bahar Kim Jong-un a accompagné Ferry Erdal pendant sa très longue réclusion en Belgique, donc il a été un compagnon direct, il l'a vu tous les jours. Malgré ce témoignage de premier plan, Bahar Kim Jong-un ne verse jamais dans la lamentation ni la récrimination. Il aurait pu le faire, vu tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et il ne présente pas du tout les choses comme ça, au contraire. Il présente les faits avec une simplicité, une érudition et parfois une touche d'humour qui sont parfois très déconcertantes. Et c'est en tout cas un point de vue qui nous avait beaucoup plu. Mais donc voilà, que dire d'autre encore sur les éditions? On leur souhaite bonne chance. Oui, c'est gentil. C'est pas, je crois que j'ai posé la question, mais il y a eu d'autres livres, mais quoi comme autres livres, par exemple? Le tout premier livre qu'on a fait, c'était le livre de Bernard Westphal, Assassin. Donc c'est un témoignage que Bernard Westphal a écrit lui-même sur toute l'affaire qui l'a concerné après le décès de son épouse Véronique Piroton à Ostende. Il a eu un procès qui a été très injuste par certains côtés et donc il nous avait semblé important de défendre ces citoyens belges que les médias et certains membres de la justice avaient préjugé coupable bien avant le verdict du procès. Ça ne va pas évidemment, on ne peut pas fonctionner comme ça dans un état qui se dit de droit. Et donc ça c'est notre premier livre. Et puis il faut savoir que notre directeur, c'est Laurent Minguet, qui est un entrepreneur liégeois, bien connu, en tout cas très connu à Liège, et qui a très très bien réussi dans divers domaines extrêmement variés, dont l'écologie, l'immobilier, plein d'autres choses que je ne vais pas développer ici. Et je pense qu'il s'est dit, Le livre de Bernard Westphal, c'est chouette, mais on va continuer. Parce que si je fonde une vraie maison d'édition à long terme, plutôt que simplement un livre une fois, de manière ponctuelle, ça me permet d'avoir un organe de promotion d'idées nouvelles et intelligentes qui pourront faire réfléchir le grand public. Et donc voilà, on a édité des livres très différents. On a édité un livre qui s'appelle Alternative, de Walter Feltrin et Barbara Dufour, et qui commence par critiquer dans beaucoup de points le régime politique que nous avons en Belgique présentement, mais qui propose aussi toute une foule de solutions. Et d'ailleurs, Walter Feltrin et Barbara Dufour ne se sont pas contentés d'écrire ce livre, ils ont même fondé un parti qui s'appelle Oxygène, qui est né en septembre dernier. C'est belge ? C'est tout à fait belge, oui. Et quoi, c'est chaque fois des écritures belges, enfin des écrivains, des auteurs plutôt Jusqu'ici, ce sont principalement des Belges. Belges, ça ne veut pas dire que Belges francophones, parce que nous avons la chance de compter parmi nos auteurs aussi deux écrivains d'origine, enfin plutôt de langue flamande, à savoir Jan Nolf, qui est juge de paix. Il est extrêmement connu en Flandre, il n'est pas encore assez connu à notre goût en Wallonie, et c'est pour ça que nous voulons diffuser ses idées sur une justice plus juste. Un combat qui est excellent et vraiment nécessaire à l'heure actuelle. Et l'autre écrivain de langue flamande que nous avons fait traduire en français, c'est Bléry Lechi. Il est d'origine albanaise, mais il vit à Bruxelles depuis déjà de très longues années. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle « L'amour en temps de peur ». Et donc son idée, c'est de réintégrer l'amour au centre de la société, mais pas uniquement dans les familles, mais de le réintégrer partout, à la fois dans les questions politiques, économiques, sociales, évidemment, éducationnelles, évidemment. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait. Ben, merci beaucoup, hein. Bonne continuation, quoi. Merci. Bonne merde, hein.